دخول مكة أو حدود حرمها. Il n'est pas autorisé de le laisser, d'accord, le mortal, l'apostat, de rentrer à la Mecque ou même de rentrer dans les limites qui sont de la Mecque, du ce qu'on appelle al-haram, al-haram al-Mecque. حكمه صحبته, le jugement de fait de l'accompagner, d'être son ami ou autre. لا تجوز مصاحبته, il n'est pas autorisé de l'accompagner, c'est-à-dire de lier amitié et tout ça avec lui. والواجب حجره والبعد عنه, et ce qui est obligatoire c'est de s'éloigner de lui, et والبعد عنه c'est aussi le fait de s'éloigner de lui. خاصة إذا كان في ذلك توبته, spécifiquement ici dans ceci il a son repentir, on espère par cette comment dirais-je, par ce comportement qu'il se repente. Et là il y a une hikma, c'est-à-dire qu'on comprend par ceci que si jamais une personne pense que si jamais il va l'accompagner, il va devenir plus ou moins ami, c'est-à-dire qu'il va l'accompagner dans sa vie ou autre et qu'il pourra lui parler et le faire revenir, lui par contre c'est spécifique, il peut accompagner cette personne et se lier avec lui afin d'espérer et de qu'il revienne à la prière ou de toute autre mécréance ou apostasie. Masiruhu fil akhirah, donc son devenir dans l'au-delà. La yadkhulu janna wa ma'wahu an-nar khalidan fiha, il ne rentrera pas au paradis et son refuge sera le feu, khalidan fiha, éternellement dedans. Wa yahshamu ma'a fir'aun wa haman wa Ubay ibn Khalaf, et il sera ressuscité avec Pharaon, donc Pharaon, wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Ana al-ihtidar, d'accord, fil kabr. Non, je m'arrête ici, ça c'est bon. 21h34, alhamdoulillah. Je vais rajouter comment dirais-je, un ou deux arguments de la mécréance de celui qui ne fait pas la prière. Voilà. Vous savez déjà, je vais rapporter une parole de l'imam Ishaq ibn Rahawai, ce grand savant qui était un contemporain de l'imam Ahmed, et qu'il a dit ceci. Ghalatil murji'a. Les murji'a, donc on apprend plus tard, c'est les gens de l'irja. Irja, c'est ceux qui exagèrent, notamment, c'est-à-dire qu'ils enlèvent, la base de l'irja, c'est surtout ça aussi, c'est ils enlèvent l'acte de la foi. Ils disent que la foi, c'est seulement la croyance dans le cœur, et une parole de la langue. Ils disent que l'acte ne fait pas partie de la foi. Et donc il a décidé, relatil al-murji'a. Les murji'a donc ont exagéré. Hatta sara min qalihim, jusqu'à ce que deviennent parmi leurs paroles, inna qawman yakulun man taraka salawat al-maktouba wa soma rabadan wa zaka wa al-hajj wa amat al-faraid min ghayr hudud laha la nukaffiruhu yurja'u amruhu ila Allah. Donc certains que parmi ces murji'a, qui est une secte dégarée, ils disent quoi? Que celui qui a délaissé les prières obligatoires et le jeûne du Ramadan et la zakat et le hajj wa'amat al-faraid et l'ensemble des obligations min ghayr juhud, sans renier, d'accord, parce que si il renie, il y a pas de problème, il y a pas de, même eux ils disent que c'est un kafir, mais qu'ils ne renient pas, c'est-à-dire qu'ils n'appliquent pas ceci. La nu kafiruhu, eh ben c'est les murji'a, ils disent quoi? On ne dit pas que c'est un kafir. Donc il reste pour eux, ils disent qu'il est toujours musulman. Yurja'u amruhu ila Allah, et on repousse son affaire à Allah. Bard. Bard idh huwa mukir, parce que lui, il est cette personne, il est quoi? Mukir, il atteste, c'est-à-dire qu'il ne renie pas. Et le cheikh l'imam Ishaq ibn Rahawai dit fahaula illadhina la shakka fihim, yani annahum murji'a. Et cela, il n'y a pas de doute en eux, c'est-à-dire qu'ils sont des murji'a. D'accord, ceux qui disent que celui qui fait aucune bonne action dans sa vie, mais s'il ne renie rien, et bien il est toujours musulman, même si c'est un fasique, et bien ceci, ce sont des murji'a. Ça c'est par rapport à l'irja et le nom de l'irja. Maintenant, je vais citer un hadith. Mais avant de citer, je vous citer, là je vais venir avec deux preuves. Deux preuves, une qu'on a déjà vue, mais je vais en rajouter quelque chose par rapport au rapporteur, et une autre preuve qui est en même temps une réfutation de l'argument de ceux qui disent, c'est un des principaux hadiths, que ceux qui disent que celui qui ne fait pas la prière, il est toujours musulman, il se base souvent sur le hadith qu'on appelle hadith al-shafar, le hadith de l'intercession. Donc Allah va intercéder. Et dans ce hadith-là même, il y a une réfutation contre eux, que je vais venir. Mais juste avant, on va juste se rappeler le hadith qui est rapporté par Jabir. Ce hadith s'appelle Jabir ibn Abdullah. Donc Jabir ibn Abdullah a rapporté une parole du prophète, qu'on a dit plusieurs fois, qui est celle-ci. Entre l'homme et entre le shirk et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Rawahu Muslim, ce hadith est rapporté par Muslim. Et donc, comme on a vu, ceux qui disent que celui qui ne fait pas la prière est toujours musulman, ils disent non, mais le kufr ici, c'est le petit kufr. Et le shirk, c'est le petit shirk. Et nous, on dit non, c'est le grand kufr, c'est le grand shirk. Comme on a déjà vu avant, c'est comme c'est aussi la parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, on a vu, il y a le alif wa lam, là, c'est. D'accord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ben shirkin, entre un shirk et un kufr, il a dit non, le shirk et le kufr. Mais il y a un autre dalil dans ceci, c'est le rapporteur lui-même. Et sachez qu'il y a une règle dans usul fiqh qui est ar-rawi adra bima yarwi. Le rapporteur, et surtout si c'est le sahabi, est plus connaisseur de ce qu'il rapporte. Donc ce sahabi a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça. Or les meilleurs, les plus aptes à comprendre la parole du prophète, en langue, par la langue arabe et par la compréhension de la religion, sont ces sahaba, d'accord ? Et ce sont eux qui transmettent la religion. Donc c'est lui qui a rapport ce hadith-là. Et que dit, Jabir, on va le voir maintenant. Qala Mujahidun li Jabir ibn Abdillah. Donc Mujahid, c'est un tabi'i, c'est une personne qui a étudié auprès des sahaba, mais qui n'a pas connu le prophète, donc on dit que c'est un tabi'i. Rahimahullah. Il a dit à Jabir ibn Abdillah, donc il a dit à Jabir, ce sahabi qui rapportait ce hadith plus haut. Il a dit ceci: Ma kana yufarriku bayna al-kufri wal-iman 'indakum min al-a'mal fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Il a posé cette question là à ce sahabi. Qu'est-ce qui différencie entre le kufr wal-iman et la foi, d'accord? Donc là, on part bien du grand kufr et de la foi. Indakum, chez vous, min al-a'mal, parmi les actes. Et là, il ne parle pas de la croyance, il parle des actes. Fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qol, donc Jabir, il a répondu, as-salah, la prière. D'accord? La prière. Et donc, Jabir, il nous informe ici que la prière, c'est bien ça qui différencie entre le kufr ou l'iman, comme c'est bien dit ici, mais qu'en est-il fait l'écoute ben al kufri ou l'iman. Et c'est lui qui rapporte le hadith cité plus haut. Donc on voit ici, par rapport au sahabi même, que le sahabi a compris de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le kufr, c'est le grand kufr. Ce hadith est rapporté par Mohammed ibn Nasr fi ta'zim al-qadr as-sara wa Hassan isnadahu al-Albani fi at-Targhib. Et Albani a dit que sa chaîne de transmission était Hassan, était bonne. Voilà, maintenant on va aller au hadith et on va voir comment on réfute d'une manière assez claire, même très claire, ceux qui viennent toujours avec le hadith de Shafa'a de l'intercession. C'est un hadith qui est assez long, mais on va prendre les passages qui nous intéressent. Donc dans ce hadith, d'accord, qui est notamment rapporté par Muslim, c'est un hadith qui est sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ceci. Fayakulullah azza wa jal. Donc ça c'est le jour de la résurrection, c'est là où Allah azza wa jal va donner la shafara à des personnes et que lui-même il fera la shafara, c'est-à-dire il intercédera, c'est-à-dire qu'il fera sortir des gens de l'enfer. Donc Allah Azzawajal dira Shafa'atil malaika, les anges ont intercédé. Ça y est, c'est fini. Wa shafa'an nabiyyun, et les prophètes ont intercédé. Et les croyants ont intercédé. Les croyants ont intercédé en disant Allah a fait sortir un tel du feu, etc. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit ceci: Walam yabqa illa arhamur rahimin. Et il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux, c'est-à-dire Allah. Donc qu'est-ce qui se passe? Fayaqbidu qabdatan minan nar. Fayukhrij minha qauman lam ya'malu khayran qatt. Alors il prendra une poignée du feu de l'enfer et il sortira un groupe de gens lam ya'malu khayran qatt. Et ce groupe de gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lam ya'malu khayran qatt, ils n'ont fait aucune bonne action de bien, mais aucune qatt. D'accord? Rawah Muslim, c'est le numéro c'est le hadith numéro 583 dans Sahih Muslim. Et ceux qui disent que ceux qui ne font pas la prière sans jour musulman se basent sur ceci parce que là, ils disent que la prière c'est un acte. Et on dit oui, tout à fait. Et là, le prophète a bien dit la miyar malou khayran kot, et n'ont fait aucune action de bien, mais vraiment aucune. Kot, aucune. Et voilà comment on va leur répondre. Rabbi l'wajhen. Et la réponse se fait par deux manières. Bi hadith al-shafa'a an Abi Huraira. Par le hadith de l'intercession rapporté par Abu Huraira. Parce que celui-là, c'était celui qui... excusez-moi, attends, il faut juste que je... Je descends la page, excusez-moi. Hop, il faut que je retrouve la page. Voilà. J'y suis. Non, Rabbi Wajhen. De deux manières. D'une manière, Bihadith al-Shafa'a an Abi Huraira an Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par le hadith de la Shafa'a, de l'intercession même, mais qui est rapporté cette fois-ci par Abu Huraira, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là est muttafaqun alayhi. Cette version est muttafaqun alayhi. C'est-à-dire qu'elle est, il est rapporté par Sahih. Il est dans le Sahih de Al-Bukhari et de Muslim. Donc voici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Idha faragha Allahu min al-qada'i bayna al-ibad. Lorsque Allah Azza wa Jalla a fini de juger entre les esclaves. Wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar. Et qu'il voudra faire sortir par sa miséricorde, an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli an-nar, ceux qu'il aurait voulu parmi les gens du feu. Amara al-malaika an yukhrija min an-nar man kana la yushriku billahi shay'a. Qu'est-ce qu'il fera Allah Azawajal? Il ordonnera à les anges de faire sortir du feu ceux qui n'ont rien associé à Allah du tout, rien. Miman arad Allah an yarhamahu miman yashhadu an la ilaha illallah. De ce que Allah Azawajal a voulu leur faire miséricorde, de ce quoi ils ont témoigné qu'il n'y avait pas de divinité par droit sauf Allah. Et écoutez bien ce qu'il dit ici, à partir d'ici. فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ بِآثَرِ السُّجُودِ. Et donc comment ils reconnaîtront les gens, les anges, ces gens-là? فَيَعْرِفُونَهُمْ, donc ils les reconnaîtront, donc les gens du feu qui vont faire sortir par la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, par son intercession même, d'accord, et qui n'ont rien associé, comment ils les reconnaîtront? فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ, ils les reconnaîtront dans le feu par quoi? بِآثَرِ السُّجُودِ, par la trace de la prosternation. Le feu de l'enfer mange le fils d'Adam, sauf la trace de la prosternation. Et bien sûr, la trace de prosternation, c'est par rapport à un acte et pas par rapport à une croyance. Allah Azza wa Jal a interdit au feu de l'enfer de manger la trace de la prosternation. فَيَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ, alors ils sortiront du feu, de l'enfer. قَدِمْ